radio. Oh, c'est le fun. L'auditoire me téléphone. Drelin, drelin, premier appel. Ça doit être un prix Nobel. Je peux pas en faire un autre! Oui. J'ai été spoilé! Hey, c'est DJ Punkazbet! Vous êtes dans le Radioton de CKRL 89.1 qui fête ses 50 ans. Mais imaginez-vous que nous autres aussi, on a décidé de fêter notre anniversaire, nos 15 ans de prescription punk rock. On pouvait pas faire ça autrement qu'en faisant un événement spécial. Fait qu'on a fait descendre les vieux de la vieille. Un de nos meilleurs groupes au Québec, mon préféré rock, franco-québécois. Les vilains pingouins sont en place, hell yeah! Mais, je voulais du monde, tu sais, qui avait une chimie ensemble, une belle amitié. Puis, je pense qu'Hugo Moody et bien sûr Louis Valiquette des St. Catharines et des Yesterday Rings ont une belle amitié avec les vilains pingouins et ont collaboré d'ailleurs sur l'album Le Taureau. Donc, c'est ça, on va les laisser performer. Mais avant, comment allez-vous, les boys? Très bien. Merci d'être là. C'est-tu votre première à CKRL? C'est mon premier show à vie. Ça va être bon. En tout cas, j'ai vu beaucoup de shows de quelqu'un qui t'a ressemblait. Fait que si c'est pareil dans Éric la dynamique. Ouais, Éric Lapointe, exactement. Moi, c'est Hugo Lapointe, mon frère. Donc, mon nom est Hugo Miozzi, tout le monde, bonjour. Ici, mon ami Louis Valiquette. Nous venons de Montréal. Louis vient de Schlaga. Moi, je viens de Ville d'Anjou. Et nous allons jouer des chansons. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un méga fan de Vilain Pingouin. C'est une des premières cassettes que j'ai eues. En même temps que je trippais sur Bon Jovi, je trippais aussi sur Vilain Pingouin. Fait que c'est, à chaque fois que je côtoie Vilain Pingouin, c'est un honneur pour moi de jouer et faire de la musique avec eux. Hell yeah! Non, ouais, c'est... Non, mais j'aime ça, moi, avec l'effet, ça donne un style. Hey, c'est comme si on était deux. Pendant l'entrevue, j'ai mis le billet du spectacle que t'as vu la première fois, Bon Jovi, parce qu'il était venu deux fois l'année la première fois que t'es vu. C'est vrai? Ouais, tu checkeras ça dans l'entrevue, le billet, je sais pas de qui, par exemple, là. Tu checkeras l'arrangé. C'est pas le mien. Alright, fait que je vais jouer quelques chansons, puis après ça, je vais en jouer d'autres. Ouais, de Bon Jovi. Hell yeah, merci Hugo, merci Louis. Vous êtes au Radioton de CKRL, bien sûr au 88.1, et ça mérite un Hell yeah! Je tolérais aussi Pennywise et Cypress Hill, mais je trouvais ça pourri. Je n'ai pas repenti, je le vois au show à Montréal. Au 17, c'est Baudry et au Chill Out sur Montréal. Insane in a membrane, je comprends pas de quoi ça parle. Je buvais des grosses tornades et je voulais jouer dans un bain. Je faisais à croire que j'aimais. je sors mon bullshit. Je te laisse Pennywise et Cypress Hill. Mais je trouvais ça pourri. J'avais oublié de la sortir. La prochaine chanson, c'est un peu, ça pourrait être intéressant dans le contexte parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé dans la musique. J'avais, mettons, 17 ans, j'ai parti mon premier band. Puis là, tu t'imagines que tout le monde va être vraiment gentil, puis tout le monde va t'aider, puis que les autres groupes vont comme s'entraider, puis genre s'amener en tournée, puis se remettre l'appareil, tout ça. Puis à peu près à 17 ans et demi, je me suis rendu compte que c'était pas de même, puis que tout le monde était compétitif, puis que c'était très sectaire, puis que tout le monde, personne n'allait m'aider finalement, fait que fallait que je fasse tout ça. Sauf que la première personne qui m'a finalement donné des conseils, c'était Rudy, quand on a commencé à travailler ensemble sur le taureau. Puis la seule personne qui m'a dit des trucs par rapport à l'industrie, par rapport à même en tant qu'homme. Moi, j'ai pas vraiment de modèle paternel, j'ai pas de père qui me donne des conseils. Fait que c'était pour moi très constructif. Puis c'est quelque chose que j'ai appliqué après ça dans ma vie avec les plus jeunes artistes. Et je me fais un devoir aujourd'hui de dire à des jeunes artistes, fais pas ça. Non, mais tu sais, de dire que tu peux faire finalement ce que tu veux, puis que c'est pas super qu'est-ce que le monde y pense, tout ça. Puis j'ai un ami qui s'appelle Guillaume, qui a comme 12, 13 ans plus jeune que moi, puis qui fait de la musique, puis qui fait un peu le même parcours que moi j'ai fait 15 ans plus tôt. Puis je lui donne des conseils, puis cette tune-là, c'est exactement ça. Je pensais qu'il fallait mourir jeune ou passer proche. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais eu besoin de conseils. Je m'excuse sincèrement. Ah, non, c'est pas vrai, c'était drôle. Je pensais qu'il fallait que je déteste tout le monde et je sois le plus grand. Artiste lors de l'arrogance, je m'excuse pas vraiment, oh, mais un petit peu quand même, oh, même si c'était drôle. C'était pas le soleil qui m'empêchait de dormir, c'était les regrets. C'était aussi le speed, le monstre dans mes cauchemars était bien réel. Il fallait les battre, je veux dire à Guillaume de garder le sourire, de pas s'en faire avec les jaloux, pas de talent, les psychos, les méchants, ceux qui ont peur de faire des erreurs. Je dis à tout le monde de s'écriser de tout, de foncer, de rêver. Je pensais qu'il fallait mourir jeune ou devenir con. C'était pas le soleil qui m'empêchait de dormir, c'était les regrets. C'était aussi le speed, les monstres dans mes cauchemars étaient bien réels. C'était pas le soleil qui m'empêchait de dormir. Mes amis ont des problèmes de drogue, d'alcool ou dans la tête. Ils m'appellent pour des conseils. Moi, je sais pas quoi leur répondre. J'ai besoin de conseils moi-même. J'suis fucking depressed cette semaine. Je me sens très cheap quand même. J'aimerais qu'ils se sentent bien, mais je ne connais personne de bright qui se sent vraiment bien. Je sais pas à qui parler. J'ai jamais été si seul. Je monte le volume sur ma radio d'un char, j'écoute The Muffs comme un secondaire 4. Je

il y en a trois qui m'obsèdent particulièrement. Trois courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de la faire, de la montrer, puis d'apprendre de quoi ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça, l'œuvre d'art, là, fond. Le documentaire David contre Goliath de David Béricard, en salle dès le 5 mai. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Oui, bonjour, Caroline Simard avec vous jusqu'à minuit. Alors, je suis bien heureuse de vous parler des lots à l'encan. Et je vais commencer par le lot 97 dont David a parlé tout à l'heure. Donc, le dîner aux parlementaires, c'est le restaurant de l'Assemblée nationale. Donc, tout ce qu'il y a de plus formel, c'est un restaurant qui a été rénové. Donc, il y a quelque temps, lors des grandes rénovations qui ont été réalisées au Parlement pour ajouter à la sécurité des élus. Donc, avec Sol Zanetti, qui est députée de Québec solidaire. C'est pour deux personnes et ce sera donc un dîner. Et puis, c'est une gracieuseté de Sol Zanetti. Ce sera fort intéressant de pouvoir discuter, bien sûr, politique avec Sol Zanetti et bien sûr également de la circonscription. Et je voudrais également vous parler des lots 74 et 75 qui sont des œuvres de Cynthia Coulombe-Bégin, une artiste qui habite la région de Québec, plus précisément Charlebourg. Les titres de ses œuvres sont « Les sentiments magnétiques » et de même que « Somewhere in Between ». Ce sont deux œuvres abstraites exploratrices. Donc, en parallèle avec son parcours figuratif, elle fait aussi donc des œuvres qui sont précurseurs à ses cœurs que vous voyez en galerie souvent, donc, actuellement. Elle expose Cynthia Coulombe-Bégin actuellement, donc, à Hong Kong, Los Angeles, Baie-Saint-Paul, Québec, Montréal. Et ce qu'il est intéressant de noter en ce qui concerne sa carrière, c'est qu'elle a fait sa première entrevue pour sa première exposition solo à CKRL en 2012. Et depuis, elle est une amie de la station et elle donne ses œuvres à chaque année au Radioton. Alors... Bonjour à toutes et à tous, ici Jean-Yves Duclos, député de Québec. Merci pour ce beau moment de partage sur les ondes de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Une radio qui met en valeur notre communauté à travers des idées créatives, de l'animation culturelle et de l'information critique et pertinente éclairant de nombreux regards sur l'actualité et la société. Une radio qui se veut indépendante, multiculturelle, diversifiée et inclusive de toutes et de tous et de tous les groupes communautaires. Une radio composée d'une équipe talentueuse, engagée et déterminée. Une radio dont on est fier. Merci et bon Radioton. Le 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Ces choses qu'on n'oublie pas, de Lucy Score. Un barbier grincheux de petite ville, plus une mariée en fuite désespérément romantique, qu'est-ce que ça donne? De grands bouleversements et beaucoup de rencontres torrides. Ces choses qu'on n'oublie pas est un roman aux personnages tous plus attachants les uns que les autres, dans une petite ville des États-Unis où se trame une histoire d'amour rocambolesque et sincère. Le roman phénomène TikTok de l'année qui donne immédiatement envie de poser ses valises à Knockmout et de faire partie de la bande. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Alors, nous sommes de retour pour l'encan. Donc, les lots 26 et 27. 27 au Château Laurier. L'on parle de deux nuitées, donc des forfaits couette et café. C'est une nuitée chacun en occupation double. Le forfait couette et nuitée inclut le petit déjeuner. C'est au Château Laurier, comme je l'ai mentionné, sur la colline parlementaire. C'est tout près donc des plaines d'Abraham, possibilité de marcher sur la Grande Allée. C'est un lieu populaire, prisé par les touristes, mais également un endroit où c'est possible de relaxer, donc en couple, en famille. Mais n'oubliez pas, c'est pour deux personnes, donc profitez-en. Le lot est actuellement à 200 $ pour le premier, c'est une valeur de 280. Et pour l'autre lot, il est actuellement à 180 $ et c'est toujours d'une valeur de 280. Alors, il y a deux bonnes affaires à faire ici. Et pour d'autres lots, je vais vous parler de celui qui consiste à être le lot du Grand Cru, le numéro 19. Alors, le Grand Cru, il est d'une valeur de 90 $ il est rendu à 85, mais il s'agit d'une Magnum de champagne 1,5 litres, Victoire Brute, prestige de la maison GH Martel. C'est une bouteille que l'on retrouve pas partout. Alors, profitez-en également. Le temps d'été arrive bientôt et non pas le temps des fêtes, bien sûr. Alors, aussi, profitez-en. On vous revient bientôt. Le rock progressif, ça non plus, il n'en a plus. C'était des tunes de 20 minutes qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. Ce samedi à 23h, l'autoroute reçoit trois invités assez spéciaux. Régis Labeaume, Daniel Lavoie et Pierre Grandmaison. Puis veux-tu même dire, hey, comment ça se fait qu'il est toujours en train de regarder ton téléphone? Nous autres des années 70, on le regardait juste quand il sonne. Trois passionnés racontent leur amour du rock à Jacques Dulac et Stéphane Villeneuve. Ce samedi à l'autoroute, dès 23h, dans le cadre du Radioton. La vie encore. OK, continue. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Oh, c'est le fun! L'auditoire me téléphone! Drelin, drelin, premier appel! Ça doit être un prix Nobel! J'ai passé de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 quelques, continuellement assis dans un camion à travers la planète Terre. Puis c'était vraiment le fun. Puis un moment donné, j'avais mal au dos. Puis j'étais trop souvent assis. Mais sur le coup, on a fait des tournées à travers le monde, puis là, on pensait au succès qu'on pourrait peut-être avoir, puis à toutes les étapes qu'on franchisait, puis les disques qu'on vendait, puis etc. Puis des années plus tard, après ça, ce qui me reste de toute cette vingtaine-là, début trentaine, que j'étais continuellement en tournée, c'est plus comme toutes les inside jokes qu'on a faites, toutes les fois qu'on a couché sur le bord de l'autoroute, qu'on n'avait pas de place à coucher, qu'on n'avait pas d'argent, qu'on se faisait réveiller par la police en se faisant donner des coups de pied. Toutes les affaires qui sur le coup avaient l'air terribles, que finalement c'était les plus belles affaires que j'ai vécues. Fait que j'ai essayé de faire une toune là-dessus sur mon deuxième album solo pour un peu rendre hommage à Louis et mes comparses des 5-4 qu'on a fait ça ensemble alors que tout le monde nous disait que c'était pas une bonne idée. C'est malade, je pensais que c'était un de tes rings d'oreilles qui était tombé. Non, je porte pas des deux pièces. Oh my god! Il s'est déchiré l'oreille au Radioton de CKRL. Ça tombe de mes harmonicas. Hey, vous êtes dans une émission spéciale Prescription Punk Rock. Hugo et Louis Valiquette, merci d'être là. Fun fact, t'as fait une tournée au Mexique. Comment ça s'est passé? Il y a dû avoir quelques anecdotes. Ça s'est bien passé. Je dirais que c'est exactement le contraire de comment je m'imaginais. Donc, on était déjà allé avec Sainte-Catherine en 2008. Puis, on peut s'imaginer peut-être une tournée au Mexique que ça va être peut-être un peu broche à foin, puis que genre, on saura pas trop ce qui se passe. Mais finalement, c'était genre une des places qu'on était le mieux accueillis et le plus aimé, je te dirais. Puis le monde était tellement respectueux, j'avais très mal au dos à ce moment-là, puis j'avais ma canne, tout ça. Puis mettons, j'arrivais dans la loge, puis genre tout le monde s'enlevait pour que je puisse m'asseoir, puis j'étais comme, Chris, ça arriverait pas à Québec, ça. C'est une joke, j'ai pas pensé ça, j'ai dit au. Non, c'était au Québec, ma réflexion, c'était pas à Québec. On l'a pas pris mal. La rivalité Montréal-Québec tient toujours. Ben là, c'était plus une rivalité Mexico-Québec, ce point-ci, mais bon. Mais c'est quand même cool. Puis tu sais, on voyait, tu sais, t'as envoyé un peu des vidéos, puis le monde était super réceptif. Fait que ça doit être le fun un peu, tu sais, d'avoir un côté francophone au Mexique. Ben surtout à l'âge que j'ai, quand j'étais plus jeune, que j'allais faire des shows de même, j'appréciais pas vraiment l'affaire. Là, j'étais plus là pour comme me saouler puis me gainser. Puis maintenant, tu sais, à chaque fois, je suis comme ailleurs. C'est quand même fou. Je suis à Cancun, je fais un show, puis il y a du monde. Il y a des Mexicains qui chantent mes tunes en français, tu sais. C'est un peu surréel pour vrai, sans être, tu sais, genre, je suis pas big, là, je suis pas Coldplay au Mexique, là, c'est genre, il y a 60 personnes, là, sauf que, il y a 60 personnes de plus que si j'étais pas allé au Mexique, là. Ouais, c'est ça, exact. Pour mettre en contexte tantôt, tu sais, on a comme trois générations de monde ici ce soir. Tu fais partie des Sainte-Catherine's, Yesterday Rings, tu parlais des tournées avec Sainte-Catherine's. Vous avez eu la chance, justement, de tourner un peu à travers le monde, de vivre une expérience qui est incroyable. C'est le fun, un peu, justement, cette vision-là que t'as avec un recul, puis tu sais, d'en parler ouvertement dans tes chansons. Ça te manque pas? De tourner à travers le monde? Ouais. Non. Non, mais je suis fatigué un peu, honnêtement. Puis tu sais, c'est quand t'es jeune, t'es drivé par quelque chose, beaucoup quelque chose à prouver, je dirais. Tu sais, genre, je voulais prouver que ça se pouvait, puis je voulais le prouver au monde alentour de moi qui disait que ça se pouvait pas. Je voulais voir c'était quoi aussi. Puis une fois que tu vois c'est quoi, c'est plate. Non, c'était le fun. C'était super le fun, mais tu sais, dans le fond, dans ma vie, je vis à essayer d'atteindre des affaires, tu sais. Puis là, avec la musique, j'ai pas mal atteint ce que je pouvais atteindre. Fait que j'essaie de faire d'autres trucs, comme dessiner sur des souliers de joueurs de soccer, puis des affaires de même. Là. C'est cool. Hugo fait des toiles qui sont vraiment cool. Fun fact de Louis Valiquette. Il y a peut-être peu de gens ici qui le savent. T'es le fils de Gilles Valiquette. Puis je pense qu'il va être là. Ouais, puis je pense qu'il va être au FEC. Ça t'a-tu challengé en tant que songwriter? Veux pas, parce que tu sais, t'as baigné dans un univers musical. Tu sais, ton père est chansonnier. Fait que tu sais, toi, à quel point ça t'a influencé là-dedans? Ben, je serais bien curieux de voir qu'est-ce que mon père pense vraiment de nos chansons. Mais honnêtement, il m'a toujours super encouragé, là. Fait que j'ai pas de problème envers ça. Mais il écoutera jamais un album. Non, c'est pas vrai. Pas mon album solo. Non, mais il voulait te l'acheter. Il me l'a fait. Juste Bad Vibration. Il a pas écouté encore. C'est ça, mais l'album qu'il écoute au complet. Il écoute pas Spotify, mon père. Ouais! C'est une bonne chose. Plus Bandcamp, un peu. Hein? Mais je pense pas que ça m'a challengé. Là. Je pense que tu sais, je vais avec mes. Avec ce que je suis capable de faire, là, je suis pas un super grand guitariste, mais je réussis à faire ce que je pense qu'il faut là, pour qu'est-ce qu'on a fait. Mais je veux dire, j'ai pas eu beaucoup. Mon père n'a pas beaucoup eu d'input dans ma carrière musicale, mettons. Je comprends, c'est cool. C'est des fois, on pense, on se dit, OK, il a baigné là-dedans. Fait, mais néanmoins, il y avait une coupure aussi entre le côté paternel, j'imagine, puis le côté musicien là-dedans. Là. En fait, c'est drôle parce qu'il a vraiment pris un parcours très, très différent. Puis, mais il m'a jamais dit, non, on fait pas ça. Mais il m'a tout le temps encouragé. Puis même si on se pétait la gueule, c'est des affaires qui marchaient pas. Mais fait qu'il m'a jamais mis de bâton dans les roues ou il m'a jamais dit, ah non, tu devrais pas faire ça. Mais si je peux me permettre, t'avais des astuces bonnes guides à jouer dessus, par contre. Oui. Tu sais, tu vois, le côté positif. C'est clair. C'est cool. Puis, tu sais, vous êtes des amis de longue date. Puis ça, tu sais, c'est un élément qui était le fun. Tu sais, j'en parlais avec Hugo lors de la dernière entrevue qui est disponible sur la chaîne YouTube de Prescription Punk Rock. Tu sais, cette amitié-là, c'est pas nécessairement tout le temps facile d'entretenir ça au fil des années quand tu vis des aventures un peu folles, puis rocambolesques, puis des hauts, puis des downs avec une carrière musicale. Mais tu sais, de voir ça encore intact, c'est quand même cool. Tu sais, puis de vous voir ensemble encore, avoir du fun, ben bravo. Ouais, moi puis Hugo, on joue au fer à chaque été. Au fer. On est vraiment rendu là. On a des là, chalets à un côté de l'autre, à l'entour d'un lac. Là. C'est vraiment la vie de rêve. On magasine notre glucosamine ensemble la fin de semaine. Ouais. on est vraiment chanceux d'avoir d'être resté amis depuis tout ce temps-là, malgré en fait, tous les membres du band, on est encore amis, ce qui est assez surprenant. Il n'y a pas de... même si des fois on arrêtait puis tout ça, c'était pas à cause de la chicane, c'était vraiment juste pour se reposer. Ouais, parce que vous avez touré non-stop puis en alternance avec les autres projets. Puis on parle Yesterday Rings 5-4, mais il y a eu plein d'autres projets que vous avez faits aussi. Ben ouais, eux ils étaient dans Roller Starter avant d'être dans 5-4. Après ça, on a eu Miracles après 5-4, on a eu je sais pas d'autres affaires. Eux, ils sont dans Blurry Eyes, Baudet puis Louis. Moi, j'ai sûrement 3-4 autres bands que je connais pas. C'est comme l'artiste, genre, qui a des enfants un peu partout. Genre, il me semble que j'ai d'autres albums, d'autres bands. On va toujours faire de la musique pour avoir du fun, ça, c'est clair. Puis c'est notre façon de se retrouver, tu sais. Moi, à Montréal, tu sais, la famille, tout ça, je vois pas des amis à tous les soirs de la semaine. Sauf que quand je vais jammer, au moins, je vois mes amis. Puis quand je fais des shows aussi, c'est comme ma façon de garder contact. C'était ça le but du Radioton, c'est de vous donner un moment ensemble finalement, de vous réunir. C'est pas du financement. c'était juste de vous avoir les deux. Non, mais c'est cool, tu sais, puis on vieillit, puis c'est le fun aussi, tu sais, t'en parles beaucoup ouvertement. Puis les sujets sont le fun, tu sais, t'as pas de filtre, fait que c'est le fun de lire ça, tu sais, quelqu'un qui... comme si tu réfléchirais à haute voix finalement. Puis c'est le fun de suivre ça. T'es en train de me dire que je cave un peu. Non. Pas pendant un radioton. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, tu t'exprimes de façon spontanée, oui, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est cool parce que c'est challengeant à lire les paroles, puis tu sais jamais à quoi t'attendre finalement. Thanks, je pense. Comment ça va se passer? Bad Vibration est sorti, il est disponible partout. Spotify, non, c'est pas vrai. Ouais, il est disponible nulle part, à part les astuces d'affaires de streaming, en fait, là, je te dirais. Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer, moi. Moi, je suis à l'étape de vouloir dessiner sur des souliers de joueurs de soccer, là, là-dessus. Ouais, c'est ça, ta collection de cartes. Ouais, ça, je pense que ça prend beaucoup de temps dans ma vie. J'étais là-dessus, j'étais avant d'arriver. Puis, c'est quelles les années qui valent le plus cher? Parce que, comme les années 90, on a eu un gros punch chez les cartes de baseball. Celui qui valent rien. Ouais, fait qu'ils valent rien. Fait que on avait cette impression-là, jeune, que nos cartes vaudraient. C'est les récentes, les plus récentes qui valent plus cher, en ce moment. Je sais pas si ça intéresse tant ça. Puis, as-tu la misère à trouver, tu sais, les protecteurs en plastique à ça? Non, tout mon argent passe là-dedans, donc j'ai pas de la misère d'arriver. D'un protecteur en plastique. Fait qu'encouragez Hugo, bien sûr, à aller sur la page officielle, puis ben, ça va lui permettre justement de se déplacer dehors, d'aller vous voir. Mais j'ai pas amené de merch, parce que j'ai sorti un livre il y a un an, puis j'en ai amené 3-4 copies, s'il y a quelqu'un qui en veut un, comme ça, peut-être me permettre de m'acheter des bains. Ils vendent plein de livres, déjà. Ouais, mais mon livre, il est pas là, Christ. Non, c'est pas celui du groupe. C'est quoi la raison que t'as donné? Pourquoi je vais amener de merch? Oh, c'est ça, c'est excellent. C'est lourd. Ça résume vraiment. Hey, c'est le Radioton. On a un mandat à chaque année, OK? C'est de faire shaker les murs de CKRL jusqu'à demain matin. Tu sais, mais qu'on soit parti, ça va continuer à shaker. C'est ça le but. On a du monde. Je veux vous entendre. Êtes-vous vivants? J'espère, parce que on a les vilains pingouins qui s'en viennent. Puis la cloche, la fameuse cloche. Vous avez les vilains pingouins qui s'en viennent en performance. Ça va être unique, ça va être cool. Je suis content de les avoir, sérieusement. Puis merci à vous deux, c'était vraiment le fun. C'est une performance unique à chaque fois. C'est un peu ce que j'aime. Puis c'est ce qui est punk. C'est pas droit, c'est pas croche. Ce serait le fun si vous auriez une dernière toune. Je sais pas si ça serait trop demandé. Yes! Une dernière toune déprimante. Let's go! Yeah! C'est le best. Thank you. J'étais certain de gagner. Que j'allais même vivre pour toujours. Éviter dans tous les galas le trophée au bout de mes bras. Les ovations qui ne cessent pas. Mais je peux exister dans vos yeux. Est-ce qu'on m'a confié le plus grand secret des dieux? Y'a rien de vraiment important. Yes! Je pense que c'est pas mal le temps des pubs qui vont succéder, donc lâchez-nous pas. On revient avec les vilains pingouins. Merci Hugo, merci Louis. Hell yeah! Ouais, ils vont être là, ils vont rester. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la boîte à pain est la boulangerie officielle de tous ceux qui adorent déjeuner et écouter la radio. Plus de 40 variétés de pain, sandwich, pizza au four à bois et pâtisserie. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. Ici Guylaine Saint-Pierre, animatrice à CKRL. CKRL est une grande famille, une radio libre. Le Radioton est en cours. Soyez généreux, on compte sur vous. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Alors oui, c'est le moment de miser pour les lots à l'encan et je vais vous parler du numéro 1, musique de chambre de Sainte-Pétrolille à l'île d'Orléans, berceau de l'Amérique française. Alors la musique de chambre de Sainte-Pétrolille, c'est évidemment dans la section de l'île d'Orléans du même nom. Et ça se déroule donc dans la petite église, très charmante petite église de Sainte-Pétrolille. C'est un lieu à découvrir si jamais vous n'y êtes pas allé. C'est prisé par les touristes, cette petite église, au charme exquis de son village. Et puis, sachez que les 6 concerts donc qui auront lieu pendant la saison 2023-2024, eh bien, le premier sera pour célébrer les 40 ans donc de musique de chambre Sainte-Pétrolille. Et puis, il y aura lors de ce 40e anniversaire des chefs-d'œuvre intemporels de Schubert, Schumann, ainsi que d'étonnantes découvertes. Alors, allez-y, misez. Et je vais également vous parler des lots 65 et 66 qui sont les lots pour le domaine Forget situé à Saint-Irénée dans Charlevoix. Aller au domaine Forget ne signifie pas uniquement y aller pour un concert. Il est possible de marcher sur les lieux et vous savez, Charlevoix étant une destination touristique, eh bien, vous pouvez profiter de la journée pour simplement aller sur la plage, circuler, vous abandonner et puis vous pouvez aussi bruncher donc au domaine Forget. Donc profitez-en pour planifier une journée complète. Allez-y, vous avez jusqu'à demain 20h pour miser. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté, un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. Le rock progressif, ça non plus, il n'en a plus. C'était des tonnes de 20 minutes qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. Ce samedi à 23h, l'autoroute reçoit 3 invités assez spéciaux. Régis Labeaume, Daniel Lavoie et Pierre Grandmaison. Puis veux-tu même dire, hey, comment ça se fait qu'il est toujours en train de regarder ton téléphone? Nous autres, les années 70, on le regardait juste quand il sonne. 3 passionnés racontent leur amour du rock à Jacques Dulac et Stéphane Villeneuve. Ce samedi à l'autoroute, dès 23h, dans le cadre du Radioton. Larry encore. OK, continue. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des heures de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera chaque disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Je dois absolument vous parler de 2 lots qui sont vraiment des affaires à faire. C'est actuellement à 90 $ pour une possibilité de 175. C'est une valeur de 175 $ et l'autre est à 85 $, toujours pour le même prix. 175 $, c'est pour le festival qui aura lieu du 2 au 6 août 2023. Donc, le festival à Lévis. Et ça consiste à un forfait familial, donc pour deux enfants, deux adultes, pour l'édition 2023. Le festival, c'est des montgolfières. Alors, pour vous donner plus de détails sur l'événement qui vaut la peine d'être vécu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent l'expérience des montgolfières. Alors, c'est 5 jours de festivités. C'est l'occasion de voir vos artistes préférés en spectacle, de faire des activités en famille et de voir justement les majestueuses montgolfières faire un tour. Alors, profitez-en. C'est aussi de vous laisser emporter par la musique et c'est un événement, comme je le disais, en famille. Donc, c'est rare qu'on puisse faire des événements en famille pour 90-85 $. Alors, évidemment, si vous misez, ça sera un peu plus que ça. Mais n'oubliez pas que chaque mise que vous faites, c'est pour aider CKRL, la plus vieille radio communautaire du Québec qui célèbre ses 50 ans. Alors, on compte sur vous. Ici Pulsar Trio. C'est le Radioton. Écoutez CKRL. Donnez généreusement parce qu'ils font vivre la musique locale. Oh yeah! Les projets inachevés ne se régleront pas seuls. Il y en a 3 qui m'obsèdent particulièrement. 3 courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de la faire, de la montrer, puis d'apprendre de quoi de ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, en fond. Le documentaire David contre Goliath de David Béricard en salle dès le 5 mai. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Oh, c'est le fun! L'auditoire me téléphone! Drelin, drelin, premier appel! Ça doit être un prix Nobel! Jamais ça! Je sais pas pourquoi c'est en loop. Hey, vous êtes au Radioton de CKRL dans une émission spéciale de prescription punk rock. Si vous avez manqué la performance de Louis et Hugo, vous avez manqué quelque chose de solide, mais il va y avoir des podcasts de disponibles, faites-vous-en pas. Puis si vous me demandez comment est-ce qu'on est rendu, à quel montant, parce que l'objectif du Radioton est de 50 000 $, l'important, c'est simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe des artistes que les grosses radios veulent pas passer parce qu'ils ont pas encore compris que c'est ces artistes-là qui forgent le caractère puis qui forgent la scène qu'on a puis qui font qu'on a de la bonne musique. Mais nous, on l'a compris. Fait que notre but, c'est d'en passer le plus possible. Puis pour ça, on a besoin de vous autres parce que pour survivre, le Radioton est primordial. Et sur l'objectif de 50 000, on est rendu à 26 350 quand même. Merci, vous êtes généreux. Vous pouvez donner des dons, bien sûr, acheter des lots. Allez sur le site de ckrl.qc.ca. Mais là, je l'avais dit, nous, notre but, c'est de faire le plus gros party de la fin de semaine. J'ai ce titre. On est les Heavyweight Champions du party. On casse la baraque. Fait que j'ai besoin de vous autres, le public. Faites du bruit pour les vilains pingouins! Hell yeah! Vilains pingouins! Oh. fait passer du désir au berceau. Comme une musique quand on lui met des mots. Tes premiers cris déchirent nos nuits, donnaient un nouveau sens à nos vies. Ces souvenirs qui me reviennent ne font rien pour alléger ma peine. On voulait te protéger de tout, mais on t'a pas protégé de nous. Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles idées? Où sont les belles années? On a vieilli et on s'est fait vieillir de nos erreurs et de nos repentirs. Et tous ces cris déchirant tes nuits, c'était la mort de l'amour quand elle fait du bruit. Parce que les raisons et les bonnes intentions, ça n'empêche pas la fin des saisons. On voulait te protéger de tout, mais on t'a pas protégé de nous. Où sont les belles années? Où sont les belles années? La vie nous égare, on sait plus trop où est-ce qu'on est. On s'accroche à ce qu'on avait de beau pour jamais oublier, pour savoir où chercher. Hey! Où sont les belles années? Où sont les belles années? Où sont les belles idées? Où sont les belles années? Fait que finalement, ce tune-là, c'est comme la tune précurseur de ta tune « Ton père qui te fait chier ». Là, il a chanté ça, puis il est parti, puis là, il t'a fait chier. Ouais. Fait que nous autres ici, on a des sujets de merde un peu. Mais c'est ça. Je parle de la vie, puis la vie, c'est de la merde, fait que... Ben, quand tu t'appelles Lisa Leblanc, c'est quoi? T'es même pas venu me dire salut. Je viens d'apprendre que je te reverrai plus. Et ce petit mot futile pour nous dire c'était pas facile. Juste un petit mot futile pour nous dire que t'étais fragile. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, cette cage qui te garde comme une bête. Quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. Maintenant je reste seul à les regarder remplir le trou. Et j'entends bon ben salut, salaud. Pensez à toi quand tu travaux. J'espère que j'en voudrais pas trop. Pourquoi nous faire payer si cher ce qu'on n'a pas su faire? Et pourquoi ainsi nous punir pour ce qu'on n'a pas su dire? Et je crois que tu seras toujours là en moi. Et je crois que tu seras toujours là en moi. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, cette cage qui te gardait comme une bête, quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. Maintenant je reste seul à les regarder remplir le trou. Et j'entends, bon ben salut, salaud. Pensez à toi quand il fera beau. J'espère que je t'en voudrais pas trop. Salut, salaud. Présentation plus lente pour donner le temps à Hugo de venir me rejoindre. Parce que tant qu'à faire, tu connais celle-là aussi, je bois de fuck. Ah, oui. Non, je suis pas bon. Ah! Fait que moi, ben, paraître, fait que je viens tant. Seul à soir. C'est trop straight, Hugo. Mal, le silence me fait peur. Le destin m'a frappé quand je regardais ailleurs. Hey! Yeah. nuage qui pleure sur ma vie. C'est pour moi qui l'invente, les yeux qui l'ont dit. J'essaierai mes vieux rêves au fond d'un tiroir. Avec mon air bête, j'suis seul à... J'suis seul à soir à regarder dans l'histoire ce que j'ai pas voulu voir. J'suis seul à soir. J'ai enfin compris que j'avais et ce qui me manquait. T'avais tes raisons, t'as fait tes valises, t'avais mes illusions. Moi j'essayais de voler avec des ailes de plomb. Et que je me demandais pourquoi je volais pas. Et les gars, tu connais, y'a plus dans le miroir. Mais pendant que je te parle, toi tu m'entends pas. C'est pour moi c'est nouveau, tu connaissais ça. Avec mon air bête, tu sais la soirée. Regardez notre histoire que j'ai pas voulu voir. Tu sais la soirée. J'ai enfin compris ce que j'avais et ce qui manquait. T'étais capable. Moi puis Hugo, on va se partir un band à deux, puis on va mélanger mon nom, le début de mon nom, puis la fin de son nom. Ça fait Rudy. Fait que une tune qu'on a, j'ai composée, puis ça a comme fucké tout le restant de ma vie. J'ai jamais vraiment. Oui, j'ai eu des jobs straight avec 9 à 5 comme tout le monde, mais chaque fois que je pognais un job, c'était temporaire. Mes boss, c'était jamais mes boss. C'est le gars qui me donnait une paye parce que je sais que dans 3 mois, 6 mois, mais j'ai jamais pensé rester à une place. Moi, dans ma tête, c'est je fais de la musique, puis je travaille pour patcher. Fait que j'ai fait de l'asphalte, j'ai fait de la réno, j'ai travaillé pour une gang de mange-marde en communication pour aider à des trous de cul de sortir du trouble. J'ai fait plein d'affaires même. Mais ma job, ça a toujours été de faire d'être moi. Puis être moi, c'est faire de la musique, puis ça peut être d'autres choses. Comme Hugo fait des running shoes, ben je vais faire des lacets. On va se partir un trip à deux. Au Mexique. Ouais. Au Mexique. El Cayente, ben moi c'est El Cayote. Fait que c'est une toune sur les jobs, puis je n'ai eu une. Quand j'ai composé, je travaillais. Pendant 10 ans, j'ai essayé, c'est une vraie job, vraiment chiante. Fait qu'elle est sortie de là, puis elle m'a permis de pouvoir crisser ce job-là, puis jamais refaire ça. On est enfin 5 heures tapant. Prendre mes chaînes, puis les enlever. Dire que j'ai hâte de sacrer mon camp. Mais pas trop exagéré. Puis quand je reçois mon chèque de paye, moi ça l'en a dit que je suis lavé. J'ai dépensé depuis la veille. Pourtant j'essaie d'économiser. Cette vie, petite misère, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pris en bol d'échelle de votre tour de Babel. Je pense mon boss est teigneux. Il dit que je devrais être reconnaissant d'attendre pour vivre d'être vieux. Non mais faut-tu manquer de jugement? Quand même drôle, il paraît qu'on gagne sa vie. Et moi j'ai rien gagné. Je l'ai travaillé. Si jamais un jour je me rends au paradis, je vais travailler aux admissions, puis mon boss va brûler. C'est comme si c'était un rêve de TQ. Un jour, je vais faire de la radio. Un jour, je vais avoir les pingouins au Radioton pour une émission spéciale, les 15 ans de prescription punk rock. Man, j'aurais fait ça impossible! Tu rêves pas gros, hein, toi? Ouais, je sais que je vais me réveiller, c'est sûr et c'est certain. C'est des rêves humbles. Hugo est pas là, Louis est pas là. C'est tout un monde irréel que je me suis inventé en cette soirée. Vous êtes incroyables. Merci, les pingouins. Merci ben, d'être là. Pauvre Red, il est pas là? Non. Red est notre guitariste, un de nos guitaristes, parce qu'on en a tout quand même. Il est des dégâts d'eau, il est en train de vider sa cave. On sympathise sérieusement, puis c'est comme régulier pour lui. Fait que, man, t'es un guerrier, puis on te dédiera pas sous la pluie. Ben, peut-être à la fin. Non, mais tu sais, on l'a excusé, puis on lui a donné toutes les chances. Partenaire majeur de CKRL, la Corrigan crée des bières avec des méthodes artisanales. L'entreprise opère selon les principes du développement durable, tout en mettant en valeur les produits de nos artisans locaux. La mission de la Corrigan comporte également un volet social et culturel qui s'articule autour des valeurs d'ouverture, d'authenticité, de solidarité et de respect. Salut, c'est Jacques Bégin, animateur de Midi Jazz. CKRL est en plein Radioton. C'est donc le temps d'être généreux, de devenir membre ou de faire un don au Radioton. Soyez donc généreux. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Bonsoir. Maintenant, c'est le temps Délo Alencan. Alors, pour commencer, le numéro 3, Amasan, c'est un lot de deux massages sur table AMA de 90 minutes chacun. Le AMA, c'est une technique de massage au même titre que le suédois. Et pour vous en dire plus, c'est un massage qui s'exerce par des pressions présentant des analogies avec l'acupuncture, le shiatsu et plusieurs formes de massage d'acupression. Le lot, actuellement, il est à 80 $ et c'est un lot d'une valeur de 160 $. Alors, si vous voulez découvrir cette technique, c'est le moment de miser. La mise s'ajoute, en fait, c'est 10 $ de plus pour que ce massage soit peut-être à vous, ce lot soit peut-être à vous. Alors, on compte sur votre mise. Et puis, je vais aussi vous parler du lot numéro 4. Il s'agit donc d'un lot qui s'adresse particulièrement aux travailleurs autonomes, aux petites entreprises, aux entreprises. Donc, c'est à vous que je m'adresse actuellement. C'est un lot de réseau Mon Quartier. Et il s'agit donc d'un forfait publicitaire sur monlimoilou.com, montsaintroch.com, montsaintsauveur.com, montmontcalm.com d'une valeur de 590 et vous pouvez être le premier ou la première à miser. Donc, le lot de départ est de 250 $. C'est d'une valeur de 590. Alors, ne tardez pas. Allô tout le monde, ici Sol Zanetti, député de Jean Lesage. C'est une grande fierté pour moi de savoir qu'ici, à Limoilou, on a ce trésor important, la première radio communautaire francophone au monde. CKRL, c'est 50 ans de vitrine pour nos communautés et nos artistes, et c'est pour les aider à continuer de rayonner que je vous invite à participer en grand nombre au Radioton cette fin de semaine. Manquez pas ça! Ce message est une présentation de Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Hurlement, d'Alexis Lipsker. J'ai enlevé 5 femmes. Je les fais souffrir, lentement, avec une savante cruauté. Ce n'est que le début. C'est par cette glaçante menace que le célèbre commissaire Venturi se voit défié par un criminel machiavélique qui n'a négligé aucun détail pour concevoir sa machination morbide. Éternel insatisfait et plus pressé que jamais, Venturi se lance alors dans une course contre la montre où l'erreur n'est pas permise. Hurlement est un polar noir à l'intrigue machiavélique et diablement efficace. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous êtes invités au lancement de la collection Méduse comprenant 65 œuvres en art actuel d'artistes de la grande région de Québec. Peinture, sculpture, estampes, vidéo, cinéma, installations multimédia, dessin, photographie, textile et bien plus. Les galeries de vue, l'œil de poisson, la bande vidéo et Engramme seront elles aussi en vernissage. Le circuit Beaumont présentera des œuvres vidéo de la collection toute la soirée. Le vendredi 19 mai 17h au 591 rue de Saint-Vallier-Est. Des visites guidées dès 17h30. Complètement gratuit. Maintenant, on parle des lots 31 et 32, qui sont les lots de Namasté Limoilou, le studio de yoga qui est tout juste en haut des studios donc de CKRL. Et puis, il s'agit de 5 séances de yoga chez Namasté. Je ne peux pas croire qu'avec la popularité du yoga actuel, il n'y a pas personne pour miser sur le lot et qu'on va rester à 45 $ quand le lot est d'une valeur de 90 $. Entre autres, Namasté offre des cours de yoga virtuels, des Namasté sur demande pour les abonnements illimités. Donc, on parle de 5 séances, mais il y a énormément de possibilités à ce studio. Alors, je vous invite à aller voir le site Internet yoganamasté.ca si vous voulez en savoir plus, mais vous pouvez miser donc en ajoutant votre mise à celle déjà existante. Il y a seulement la mise de départ donc qui a été mise et je vous invite à mettre la vôtre. Aussi, donc, pour un autre lot, il y a le Mon Quartier en boîte

fait assez attention, mais ce n'est pas la vraie raison. Ils ont dit, regarde, c'était tel message, c'était hier. Tu fais avec un peu de confiance, on te l'a pris avec essence. Wow, je marche seul. Des uns fait la famine des autres, puis on se met à chialer quand cette famine c'est la nôtre. Quand on regarde vers son passé, et on sent qu'on y a rien à oublier, mais on a peur de s'avancer, et on se laisse enraciner. Parce qu'on pense à travers sa vie à coups de journée. La seule chose qu'on veut garder, c'est toi de rêver. La liberté des uns devient la prison des autres. Puis on se fait achaler quand cette prison c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Et ceux qui pensent que je vais noyer ou pris, j'ai appris à nager. Wow, wow. La femme se lève le matin, puis elle reconnaît plus son mari, elle reconnaît plus l'homme qui est en lui, celui qui a longtemps l'avait séduite. Parce qu'il passe à travers sa vie à coups de journée, la seule chose qu'il veut garder, c'est doit le rêver. La miracle de vie des uns fait souvent faiblesse à d'autres, puis on se fait achaler quand cette faiblesse est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. Faut peut-être même embarquer sur un radeau. Ceux qui pensent que je vais me noyer, oublier, appris à nager. Je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin, ou peut-être même embarquer sur un radeau. Et ceux qui pensent que je vais me noyer, oublier, j'ai appris à nager. Wow, wow. Hey. Un jour je vais sauter sur un train. C'était ça. Merci. C'est drôle, hein, comment les tunes, quand ils chantent avec le temps, ils chantent des fois. Là. Parce que quand j'avais 30 ans, je chantais « Quand on regarde ce garçon passer, pasteur », j'étais comme « Je vois même pas le bout, il y en a du passé à regarder, c'est pour ça qu'on persiste, on est encore là. Non, parce que je suis Alzheimer, puis je pense que je suis encore dans un bal le lendemain, puis je vous rappelle. Non, man, c'est parce que t'es dans mon rêve et que je vais me réveiller. Non, mais sérieusement, le mandat était de shaker la bâtisse. On l'a-tu shaker jusqu'à date? Yes! Yes! Ça prenait les pingouins, fait que là, je n'ai rien à voir. Tout est relatif. De toute façon, Einstein le dit, tout est relatif. Pour un gars de 20 ans, je suis vieux à 40 ans. À 40 ans, à 60 ans, t'as de l'air vieux. Puis à 60 ans, finalement, t'es jeune! Oui. C'est le nouveau 40. Exactement. Vous n'avez toujours dedans. Puis, tu sais, ce qui est le fun des pingouins, c'est que vous êtes toujours accurate après toutes ces années. Autant les textes que la musique, ça va encore chercher le monde. Puis, c'est cool. Puis, tu sais, la preuve, 3 générations qui ont trippé à soir. Quand même! Oui. On peut-tu dire 4 générations? Ben, si tu comptes moi, oui. Rudy, t'es une génération à toi tout seul. Ouais. Non, sérieusement, mais tu le disais pour bien sûr Hugo, moi aussi, tu étais un mentor, un ami, un guide spirituel au fil des années. Puis j'aimerais te remercier de ça, d'avoir accepté l'invitation, toute la gang sur le fly. Puis merci de ton amitié aussi après toutes ces années. Tu me donnes la crédibilité, man! Hey, je mets le thumbs up sur les recettes, les fuck. Ouais, puis tu sais, vous le voyez en live, je suis poche, mais grâce à vous autres, vous me donnez de la crédibilité. J'ai de l'air bon! Oui, mais une poche puis une autre poche qui s'empochise, ça paraît pas. Ouais, c'est vrai, ça s'annule, merci. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on est bon en maths. Ben oui. Moi, c'est ça, là. Je me suis rendu compte vite dans le business que on était les mononcles tout croche qui invitent à Noël, tu sais, genre, on va l'inviter pareil, là. Fait qu'on était ça dans l'industrie. Mais je parlais à personne, Le mononcle un peu bum, tu sais. Ouais, je connais personne de l'industrie à part Hugo pis sa gang, là. Je connais pas vraiment, je suis pas chum avec d'autres chanteurs, d'autres bands. Il y a JF de Noir Silence que je fais des shows avec, puis lui, je suis chum. Ben sinon, non, je suis... souvent, le monde en tout cas, de la business, milieu artistique, c'est un peu mange-marde, fait que je me suis tenu loin. C'est vrai, c'est ce qui arrive, tu sais, toutes les bands qui ont un certain quelque chose, qui sont capables de se démarquer, un coup qui ont goûté à l'industrie, se rendent vite compte qu'ils n'en ont pas de besoin, qui peuvent le faire par eux-mêmes, puis qu'il y a le talent. C'est sûr qu'à l'époque que vous avez commencé, il y avait un modèle d'affaires si on voulait réussir, mais tu sais, aujourd'hui, tout est déconstruit, puis vous le prouvez, tu sais, avec les deux EP qui deviennent une trilogie, vous avez un playground infini, vous pouvez vous amuser dans ce corps de sable, puis c'est ça que vous faites, puis ça inspire bien du monde à le faire, puis c'est ce que vous devriez faire. Puis comme Hugo l'a dit, on s'en fout ce que le monde pense. Si tu le fais, ben ça va changer la perception, la vision de quelqu'un, puis ça va peut-être donner à quelqu'un une voix, puis dire hey, moi aussi, je vais l'essayer. Oui, puis comme Hugo a dit, nous autres aussi, quand on pense aux grosses années, ce qui nous reste, c'est les niaiseries, les jokes de band, puis c'est rien que ça, c'est le chemin, pardon, c'est le chemin, dans le fond, l'important. Il n'y a pas vraiment de destination, c'est le chemin. Fait que qu'est-ce que tu fais pendant ton chemin, ben c'est ça le cadeau, là. L'argent, elle va être dépensé, tu vas payer des taxes dessus, puis on s'en calisse. Mais le fun que tu as, ça, il n'est pas taxable, puis on le garde pour toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est la seule chose qu'on part avec, c'est nos souvenirs puis le fun. Mais c'est de bien s'entourer dans ce chemin-là. Puis je pense que, tu sais, musicalement, c'est toujours ce qui est arrivé. Tu sais, avec les changements de line-up, vous êtes toujours entouré de bons musiciens. Je pense que c'est ce qui fait aussi la force. Tu sais, la preuve est là. Tu sais, vos backs vocales ont même pas besoin de micro, sacrement. Ça sonne. Non, mais t'as-tu vu le coffre qu'il y a là-dessus? C'est hot. Moi, j'ai un micro, un système de son, puis il m'entête tout le temps, là. Un gars de punk. Puis il est dans l'autre pièce. Les pingouins, vous travaillez sur la troisième bouture, le troisième EP, ou tranquillement, pas vite. Oui, à notre rythme, on se fait du fun. On sait que l'industrie a changé, fait qu'on n'en vendra pas. On le sait qu'on n'en vendra pas, fait que c'est OK. Fait que tant qu'à pas en vendre, ben tout souvent pas essayer d'en vendre puis de faire juste ce qui nous tente. Fait qu'on a des tunes que ça pourrait jamais jouer à radio, et c'est pas grave, ça nous tente de niaiser sur une toune. On a une joke à dire ou on a un sujet qu'on veut aborder, ben on le fait, puis ça va être ça va passer inconnu comme nos autres tunes sur radar, à part à prescription punk rock. Il y en a juste un, c'est moi. Mais on a fait, parce que le monde nous parle de nos hits, mais je pense que j'ai fait 90 tunes, puis il y en a 11 connus là-dessus. Ben c'est pas pire, mais ça fait quand même 80 qu'on passait dans le champ. Il y en a zéro, Chris. Putain, t'es un gars de baseball, c'est des bonnes stats. Ben, c'est ça, fait que le fun, c'est de faire des tunes, dire ce que t'as à dire, puis de voir comment ça le monde répond quand ils écoutent que ça fait leur vie, puis c'est juste ça. Puis en même temps, de vivre des moments comme là, tu sais. Ouais. Je suis persuadé que si vous seriez dans l'industrie, on vous aurait dit non, c'est pas une bonne idée. Allez pas voir Bed. C'est une mauvaise idée. Mais c'est finalement, sûr. C'est une maudite bonne idée parce qu'il y a plein de monde qui écoute. Puis c'est ça, vous le méritez. Tout le monde qui est là, je pense qu'elle avait hâte, était fébrile, puis ça a donné ce moment magique-là, non? Hey, ça valait même la peine de manquer la game d'Edmonton. Non, c'est ça. Hugo l'écoute en à côté. OK, c'est combien? C'est quoi le score? OK. Yes. Hey, les pingouins, j'aimerais ça une autre toune. Ça se peut-tu? Ça se fait-tu? Êtes-vous capable? Ou je vous challenge? Tantôt, on parlait de le déluge. Ouais. Le déluge. Ça fait une toune pour Red. Désolé, Red, man. On t'en fait une pour toi, mon Red. À toute cette eau. Mais c'est important, hein, tu sais, c'est un cycle de la vie. Ah non, aussi. Il va passer la semaine avec ses deux sump-pumps arrachés comme le collier. Mais sa cave va être propre. Ah oui. Pour voir le positif. Elle va peut-être être 300-400 pieds plus loin, mais elle va être propre. Merci, les pingouins. Yes! Qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? Reste à savoir si on se juge aussi sévèrement. Faut pas vous dire que je comprends comment elle se sent. Je veux juste m'en faire comme béquille pour un instant. Au milieu de la nuit, elle n'est pas toute seule, elle crie aussi pour lui. Et cette cicatrice qui sillonne de son cœur, elle la fait frémir quand doucement je l'effleure. Et le temps qui passe, le temps qui casse, mais il faut vivre avec ses souvenirs. Et le temps qui passe, et le temps qui casse, mais il faut arrêter de se punir. Sommes-nous pour juger? Oh, sous la pluie, on prend jamais son chemin. Oh, sous la pluie, on a peur du destin. Oh, dans la vie, on comprend jamais rien. Donc on la voit quand on est sous la pluie. Qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? Elle s'approche, elle dit seulement, je sens plein de proches et je sens son tourment. Et le temps qui passe, et le temps qui casse, mais qui vous vivra avec des souvenirs. Et le temps qui passe, et le temps qui casse, les illusions qui se laissent mourir. Et qui sommes-nous pour juger? Oh, sous la pluie, on jamais son chemin. Oh, sous la pluie. On a peur du destin. Oh, dans la vie, on comprend jamais rien. Sauf qu'on a froid quand on est sous la pluie. faire au lendemain. Et même la nuit, y'a l'espoir du matin. Oh, dans la vie, on ne prend jamais rien. Sauf qu'on peut pas laisser sous la pluie. Quelle soirée, ça passe tout le temps trop vite, des soirées magiques comme ça. C'était cool? Oui, très cool. Puis tout le monde donnait généreusement, bien sûr, c'est le Radioton de CKRL 89.1. Il y a des lots, il y a des dons qui sont possibles. Puis sinon, ben écoutez toute la fin de semaine. Ça continue demain, il y a encore beaucoup d'émissions spéciales, émissions de prog. Pour les vieux de la vieille, ceux qui aiment le prod juste après nous autres. Je pense que même il y a monsieur Labaume, Régis Labaume, ex-maire, qui fait une intervention. Donc, est-ce qu'il va aller dans le obscur? Non, Hugo, je pense pas qu'il y avait un band de prog, mais c'est un gars de radio. C'est un gars de radio et paraît-il qu'il connaît beaucoup sa musique. Donc, merci tout le monde. Les Pingouins, bien sûr, on vous encourage à aller écouter les pièces. Puis Hugo, même chose, allez sur le site officiel de Hugo Moody. 15 ans, c'est facile avec des moments de même, sérieux. Là. Ben, j'espère que tu vas en avoir un autre 15. On fait un deal. Tu vas être vieux comme 15. Moi. Faites-en 15, j'en fais 15, puis Hugo aussi. Ça va être le deal. Hey, je vous rappelle, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 FM. C'était l'émission spéciale de prescription punk rock. Lâchez-nous pas. Et un gros hell yeah! Merci tout le monde! Merci le public! Yes! Partez pas, on va prendre une photo toute la gang ensemble. Si ça a l'air bien marché, peut-être faire un partenaire majeur du Radioton de CKRL, les cinémas Le Clap, leader en matière de diffusion cinématographique de qualité à Québec. Spécialisé dans la présentation d'œuvres marquantes, les cinémas Le Clap offrent à sa clientèle toutes les grandes productions de l'heure, qu'elles soient québécoises, américaines ou internationales. Bonjour, nous sommes Adèle, Laure, Charlotte Gore et Marie du Macha Club. Vous écoutez le Radio-Tonton de CKRL 89.1. On est là! Oula! On va les séparer les trois.